Psaume 60. Mishtam de David, propre pour enseigner, et donné au maître chantre, pour le chanter sur Susan et Dut, touchant la guerre qu'il eut contre la Syrie de Mésopotamie, et contre la Syrie de Tsobaa, et touchant ce que Joab, retournant, défit 12 000 du Méen dans la vallée du sel. Ô Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es courroucé, retourne-toi vers nous. Tu as ébranlé la terre, et l'as mise en pièces, répare ses fractures, car elle est affaissée. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés de vains étourdissements. Mais depuis tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, afin de l'élever en haut pour l'amour de ta vérité, c'est là, afin que ceux que tu aimes soient délivrés. Sauve-moi par ta droite, et exauce-moi. Dieu a parlé dans son sanctuaire, je me réjouirai, je partagerai Sichem, et je mesurerai la vallée de Sukkot. Galaad sera à moi, Manassé aussi sera à moi, et Ephraïm sera la force de mon chef, Juda sera mon législateur. Moab sera le bassin où je me laverai, je jetterai mon soulier à Édom. Ô Palestine, triomphe à cause de moi. Qui sera ce qui me conduira en la ville munie? Qui sera ce qui me conduira jusqu'en Édom? Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés, et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car la délivrance qu'on attend de l'homme, est vanité. Nous ferons des actions de valeur avec le secours de Dieu, et il foulera nos ennemis.